sur le thème de la musique cheesy. Plus ou moins, c'est la continuité, sans vouloir définir, enfin, disons qu'il va y avoir des ressemblances. Là, on écoute Weather Report. Pour donner l'ambiance, il s'agit du morceau Errant Nous. Voilà, à tout de suite, je laisse ce morceau défiler en attendant l'arrivée de mon invité. Je vous souhaite un bonjour à tous et à toutes et à tous. Merci. t'entends? Oui. Ouais. Salut. Ok. Hello. Nate. Hello. Hello. Tu viens d'arriver. Ça va? Ouais, ça va. Tu veux que je mette un disque? Ouais, c'est une bonne idée, ouais. C'est toi qui m'as fait découvrir ce morceau de Tin Town. Ouais, ça c'est un classique. Ça c'était quand je jouais le jazz music au lycée. Ça c'était le son. Tout le monde voulait être comme Jaco Pastorius. J'avais plusieurs amis qui jouaient la basse avec les 5 cordes ou 6 cordes. Sans fret, fretless. Des fois, oui. Des fois. Mais. C'est ce morceau-là qui voulait écouter. Oui, ça c'est un super morceau. Il y a un super live aussi. Il y a des lives des fois qui sont impressionnants. Ouais, il y a le live à Montreux là. Ouais. Où il y a la fin d'un morceau avant, où il y a un morceau de percussion juste avant. Oui, c'est ça. Et ça enchaîne là-dessus. Oui. Il y a Zawinul aussi, parce que le morceau c'est plutôt sur Jaco Pastorius, mais il y a Zawinul aussi qui est. Super sur ce morceau avec ces trois différents claviers. Ouais. Ouais. Bon, la section rythmique quand même. Ouais. Voilà. Jazz fusion, jazz rock. Jazz, ouais. Jazz fusion. Jazz rock, t'es d'accord, c'est une. Ça inclut dans jazz fusion. Ouais. Oui, oui. Fusion, c'est le générique de mélanger oui. Jazz avec d'autres styles. Oui, je sais pas le comment on appelle ça, c'est quoi la différence entre le fusion et le jazz rock, mais... Ben pour moi, fusion, si c'est du jazz funk, c'est aussi du jazz fusion. Oui, c'est vrai. C'est, ouais, c'est juste la fusion entre jazz et quelque chose d'autre. Oui. Mais voilà. Ouais. Pour toi, c'était plutôt jazz rock, jazz fusion. Oui. Ouais. Bon. Ouais. Donc, très bien. Qu'est-ce que tu vas nous... Donc là, il y a une nouveauté, c'est qu'on a une platine vinyle. Voilà. Oui, il y a une très belle platine. Voilà, on va enlever ça. Ok. Voilà, qu'on peut utiliser. Cool. Qu'est-ce que tu as pris donc, Lee? Oui, j'ai une liste de Lee Ritenour. Ritenour. C'est Captain Fingers. C'est un disque de 77. Alors c'est assez, oui, ça c'est vraiment jazz rock parce que c'est un peu légèrement psychédélique, légèrement progressif dans certaines parties. Il y a Lee Ritenour, Dave Grusin, je crois, oui, Dave Grusin sur le clavier. Il y a beaucoup de monde. Jeff Porcaro, je ne sais pas si c'est ce morceau. Porcaro. Toto, le batteur de Toto oui, qui joue oui. sur beaucoup d'albums de Steely Dan. Il y a beaucoup, oui, beaucoup de. Oui, j'ai un autre disque avec Steve Gadd aussi. Oh. Alors les deux. Oh yeah. Heavyweight. Ah ouais. Heavyweight session musician. Ouais. Très bien. Alors ce morceau, ça s'appelle Margarita. Ouais. Moi, ça comme ça. Ah oui, d'accord. On va écouter ça. Yes. On va ajuster sûrement le. Le son. Très bien, on se retrouve tout à l'heure. Thank you. Yes, petit break. Yes. Ah non, ça va bien. C'est qui à la batterie? Je sais pas en fait, parce que c'est soit Harvey Mason ou Jeff Porcaro. Je crois pas que c'est Porcaro. Peut-être si. Si, non, je sais pas. Parce que j'adore cette sorte de outro. Ouais. Ah. Oui, fade out avec un petit solo. Un guitariste, je sais pas, quelle région? Américain, j'imagine. Oui, mais... oui, américain, je sais pas d'où il vient, il doit être de Californie, je sais pas, en fait, ouais. je connais pas très bien Lee Ritenour, mais ce disque j'ai trouvé pas cher, il est pas mal. Ouais. Ah, ça c'est un Stevie Wonder cover, une reprise. Isn't She Lovely? Ouais. Ouais, c'est vrai. La pochette est très belle. Bah oui, comme ça s'appelle, enfin très belle. Comme ça, oui, s'appelle Captain Fingers, et donc on voit une guitare électrique, une Les Paul, une Gibson, ouais. Oui, c'est une Gibson. Je sais pas, je ne sais même pas le nom de ce modèle. Donc qui sert de vaisseau, bien sûr. Ouais. La guitare est un vaisseau. J'aime pas trop cette reprise en fait. Moi j'aime pas trop le morceau original. Voilà, très bien. Ouais, on va enchaîner. Enchaînons. Donc t'as envoyé des morceaux aussi par email, je te remercie. Moi ça me permet d'en mettre un que, parce que je le connais, c'est de Donald Fagen, On the Dunes. Moi j'ai envoyé ça plutôt pour les dernières 4 minutes. Ah, parce oui, que j'adore ça. Il y a cette partie où elle passe le même. Ah oui, c'est vrai. Quatre accords. Et tu voulais le mettre en dernier? Oui, on peut mettre en fond, dans la fond, quand on parle. D'accord. Les 4 dernières minutes. Mais... Bon, ok. Comme tu veux. Ouais, mais on le met, ok, ça marche. Allez, on envoie alors. C'est pas jazz rock alors là, du coup. Si, si, ça c'est du jazz rock. Pure et dur. Ok, ok, bon. On en reparlera tout à l'heure. Drive along the sea, far from the city's twitch and smoke. To a misty beach, it's where my life became a joke. On the dunes, on the dunes, became a joke. On the dunes, where rents are high and seabirds cry. As you spoke, you must have known it was a kind of home inside. I stood and watched my happiness drift outward with the tide. On the dunes, oh, on the dunes, home is side on the dunes. It wasn't fair. There on the dune, mm-hmm. the faltering light. Pretty women with their lovers by their sides. It's like an awful dream I have most every night. In the summer, all the swells join in the search for sun and sand. For me, it's just a joyless place where this loneliness began. On the dunes, on the dunes, loneliness on the dunes. I'm pretty tough, but the wind is rough on the dunes. Pretty boats sweeping along the shore in the faltering light. Pretty women with the lovers by. Swells join in the search for sun and sand. For me, it's just a joyless place where this loneliness began. On the dunes, on the dunes, loneliness on the dunes. Pretty tough, but the wind is rough on the dunes. On the dunes. Yes. Un des meilleurs morceaux de l'album Kamakiriad. Ouais. C'est quelle année? Sorti, c'est ce que j'allais. J'ai le CD. Je vais essayer de le trouver. C'est quoi? 80, je dirais 80. 84, 2? Non, 2. 82. Farlow, Fagan. Ah ben voilà. 89. 89? 93. 93, oui. Tu vois? Ouais, ouais. Mm-hmm. Bon. Et ouais, tu veux qu'on remette le. Oui, peut-être. Voilà. La fin, la si belle fin, magnifique fin. Je vais attirer l'attention à la basse de Walter Becker. Parce que quand j'ai écouté le morceau, j'aimais beaucoup la basse. Et j'ai regardé sur Discogs et c'était bien Walter Becker qui jouait avec le petit slap. Je sais pas si on entend bien la basse. Le slap, c'est plus dans les mids. Hein. Oui. Ouais. Yes. Pour toi, c'est jazz rock, full jazz rock, comme on dit. Ouais. J'ai vu Steely Dan deux fois en concert. Ah bon? Oui. Ah oui? Oui. Et les deux fois, ils ont joué ils ont commencé avec des vrais morceaux de jazz hein, parce qu'ils avaient tout un groupe avec des saxophones, des trompettes et c'était vraiment un groupe qui a beaucoup d'admiration pour le jazz, le straight jazz. Et, donc pas leurs morceaux, c'est ça que tu veux dire? Oui, ils ont commencé avec des standards du jazz. Oui. D'accord. Ils peuvent juste pour laisser jouer les musiciennes aussi, parce que souvent les musiciennes que vous utilisez dans le studio, c'était les musiciennes de jazz. Jazz. Pas toujours. Mais... Bon. Tu les as vus où? C'était une fois à Jones Beach. C'était le grand truc à l'extérieur sur Long Island. Long Island. Okay. C'était une fois cette. Comment ça s'appelle? C'est un théâtre vraiment connu, un vieux théâtre en New York. Astoria? Non. Non, le Mercury? Mercury? Non. Je me souviens pas le nom, c'est un truc très classique, Midtown. Et deux fois c'était à New York. Okay. C'était super. Et deux fois. Est-ce que. On croise les doigts pour Donald Fagan. Comment ça? Bah je sais pas, il va pas bien. Je sais pas, bah il est vieux, non? Oui, là, il était moins, il est pas, c'est pas un héroïnomane, un peu, non? Donald Fagan? Ouais, non, pas du tout. Non, non. Parce que Walter peut-être Baker, à un moment donné, oui. Mais non. Ouais. Walter Becker, non. Bah apparemment si. Ah bon? Ouais. Moi je connais pas toute l'histoire. Moi, je pense qu'il est allé vivre à Hawaï et il est devenu bouddhiste. Ah oui. Qui, Becker? Oui. Je sais pas, bon, j'en sais rien, c'est des trucs qu'on... Peut-être, non, je sais. Tu sais, il y a cette mythologie autour de Steely Dan, là, un peu. Ouais. Que tout leur rapport ça à la drogue, que tous leurs morceaux parlent de drogue, etc. Oui, mais c'était... Je crois pas que les deux sont trop abusés, non. Je sais pas. Moi j'avais toujours entendu que Becker était héroïnomane. Tu peux imaginer avec des tablettes plutôt prescrites par son médecin, un truc comme ça. Je ne sais pas. Ouais, je sais pas. C'est des... Alors ça c'est le morceau que t'avais choisi aussi. On va le couper. Ouais. Pour le mettre plus tard. Moi j'ai pris un petit Herbie Hancock. Donc sa période. Quand il a commencé à faire du jazz fusion. Quelle année? Donc ça, c'est issu de l'album Secrets. Donc il y a bien sûr, pas sur tous les morceaux, mais il y a Jaco Pastorius qui joue. Ah non, maintenant c'est Paul Jackson, pardon. Autant pour moi, c'est pas sur cet album-là. Bref, et donc c'est un album de, je l'ai dit, 76. Voilà. Okay. Avant, il y avait eu Childlike, là, non, je sais plus comment ça s'appelle. Un truc avec une tête de Bouddha là sur la, sur la pochette. Voilà, qui est un peu plus art funk, on va dire. Ça, c'est un peu soft funk. Ça, c'est plus soft funk, ouais. Voilà, Manchild. Qui est donc 75, ouais, juste avant. Ouais. Voilà. Donc là, le morceau, c'est Gentle Thoughts. Et ça va se vérifier, d'ailleurs. Ce sont les entretiens de Grenoble avec Nate Davis sur jazz, fusion aujourd'hui. We'll be right back. Yes. Ah ouais. Yes. Celui-là, il est plus connu. Non, je sais pas. Swamp Rat. Si, il est plus connu. Alors moi, j'ai découvert Herbie Hancock à Besançon quand j'étais étudiant. J'avais acheté une compilation qui s'appelait Dr. Funk. Ouais. Il y avait des compilations, deux compilations qui étaient sorties. Mister Jazz, juste sur Herbie Hancock. Ouais. C'était Mister Jazz et Dr. Funk. Ah, d'accord. Voilà. C'est bien. Et donc moi j'avais acheté Dr. Funk. C'était un best-of avec notamment ce morceau-là. Mm. Voilà. Mais moi j'avais ce disque quand j'étais adolescent. J'étais gros fan de jazz et j'avais trouvé ce disque. Et j'ai écouté beaucoup, j'ai bien aimé ce disque. Ouais, j'ai acheté un dollar. J'avoue que j'aime Herbie Hancock, qui est quand même le musicien de jazz que j'ai le plus écouté. Ah oui, ouais. Je crois, ouais. Et ouais. Quand même, je le suis dans toutes ses pérégrinations musicales. Ouais. C'est quand même voilà, assez solide. Bon, ouais. Malgré, enfin, peut-être pas la toute fin. Oui, les derniers trucs. Bon, Rock It, quand même, qui est un morceau génial. Hein. Ouais. Donc, même à la toute fin, il a, il a été, je sais pas. C'est la toute fin, mais il est toujours là. Toujours là, oui. Non, mais je veux dire, maintenant, il joue plutôt des standards. Ouais. C'est-à-dire que dans sa discographie, il essaie de suivre un peu le. Ouais. Pas la mode, mais disons que des courants. Ouais. Voilà, c'est assez solide quand même tout le long. Quoi. Ça c'est quelque chose d'intéressant de penser, de discuter ça, cette progression de jazz et la résistance aussi à cette progression, toutes ces conneries de Wynton Marsalis, toutes les choses qu'il dit sur le jazz fusion, il dit que c'est juste pour être commercial, pour avoir gagné de l'argent, mais il fait le jazz le plus conservateur, le plus ennuyant possible. Et il n'a aucun respect pour les gens qui voulaient faire quelque chose de différent avec les outils qui étaient présentés là par les innovateurs de jazz. Après, c'est peut-être pas. C'est bizarre que le fait que ce soit commercial, des fois, c'est bénéfique pour. Qu'il y ait une recherche de faire on cherche à faire quelque chose de commercial, ça peut créer des fois des choses assez intéressantes. Au moins on. Et ça quand on écoute ça, mais non, on dirait pas un truc fait pour les buts commerciaux. Non, sont bizarres. La musique est vraiment bizarre. C'est funky, mais c'est pas vraiment. C'est pas Parliament. C'est pas mainstream, quoi. C'est pas juste un truc qui va passer sur la radio. Et non. Je sais pas si à l'époque ça c'était des gros. Si, quand même. Oui, mais à l'époque il y avait aussi les Bee Gees et tout ça, les choses comme ça. Tu sais, ça c'est vraiment différent. C'est funky, mais c'est vraiment un monde à part. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre c'est tout. Il y a quand même un disque d'Herbie Hancock que j'ai vu souvent, qui est assez mauvais, avant Rock It, je crois. J'arrive plus à me souvenir du nom, qui est une sorte de jazz. Enfin, il y a quand même plusieurs albums d'Herbie Hancock, juste avant Rock It ou juste après, que j'ai vu partout dans les second-hand shops. Oui. Qui sont des sortes de... Où c'est allé, le côté commercial est allé trop loin, quoi. Oui. Enfin, tu vois que c'est des disques qui ont été édités à plein de milliers, des millions, 100 000 exemplaires, je sais pas combien, et qui restent là. Bref, je sais pas. Ouais. Enfin bon, celui-ci, là, je l'ai quand même acheté à $1, donc ça veut dire qu'a priori, il a quand même été édité à de nombreux exemplaires. Oui, c'est vrai. Tout est affaire de goût. Alors, t'as préparé un petit disque. Oui, peut-être dans la même mode. Hop, quoi. Je coupe. C'est un disque assez bizarre. Yes. Brian Melvins. Donc, il y a quand même en coin, et c'est quand même noté qu'il y a Jaco Pastorius dedans. Oui, alors c'était le en vue commerciale, quoi. Ouais. Mais quand même, c'était une énorme star, quoi. Je veux dire, même par exemple dans Weather Report, ça a commencé à bien marcher quand il y a eu Jaco Pastorius, non ? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas exactement qui est Brian Melvin. C'est bizarre parce qu'il est batteur, Il y a beaucoup de ces morceaux qui ont. Le morceau sur ce disque, c'est Night Food, c'est de 85 aussi, c'est assez tard. Ouais. Mais il est batteur, mais il y a beaucoup de morceaux avec le boîte à rythme. Ah boîte oui. Rythme. Et bah oui, il suit le. Ça. Mais c'est assez bizarre tout le disque, c'est, ça a l'air assez drogué quoi. Ouais. On écoute ça? Oui, c'était plutôt le deuxième morceau que je voulais passer. D'accord. Mais, ça... je peux mettre le deuxième? Vas-y. Voilà. Alors ça c'est Don't Forget the Bass. Ok. Brian Melvin's Night Food. Thank you. second, le deuxième morceau de Jack Long ce soir. Ouais. Ouais, ah bon? Ah oui. Mais le Teen Town, peut-être pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais ouais, d'accord. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, pas mal, hein. Très. Ouais, je sais pas, c'est. Ouais. Il y a un côté joueur là, un côté un peu je sais pas, ouais, qu'on retrouve des fois, non, dans Weather Report, hein, mm-hmm. Je sais pas, ouais, côté un peu ludique, c'est intéressant aussi le ça, on voit pas pas trop souvent dans la jazz fusion, mais le mélange de boîte à rythme et percussion amène, ouais. Comme on entend là. Ouais. Là c'était une batterie avant, le morceau qu'on vient d'écouter. Non, c'était une boîte à rythme. Ah oui, c'était une boîte à rythme. Avec des percussions là, ouais, ouais, là-dessus. Et peut-être même avec une batterie dessus, ouais, ouais. Mais ça a commencé avec... Là on distingue mieux la boîte à rythme. Ouais. C'est vraiment bizarre cette disque. Là il n'y a pas de Jaco là. Pas encore. Peut-être pas encore. Une curiosité, hein. Brian, ouais. Melvin's Night Food. Ouais. On n'est plus dans le jazz fusion, quoi, du coup. C'est quelque chose d'autre aussi, un peu. Il y a des morceaux comme ça sur, ouais, ouais. Weather Report. Ouais. Un peu ethnique, oui. On va dire. Ethnique jazz. Ethnique jazz, ouais. Ouais. Très bien. Et bien. Tu as un morceau que tu veux. Ouais, je vais mettre un truc un peu bizarre aussi. Yes. Alors on a qu'une seule platine. Ouais. Alors ce que je vais mettre, c'est un disque de Aldo Romano. Alors on va mettre la face. Alors, il y a soit le pire, soit le mieux, quoi. Ça dépend. On va mettre le face 1, le dernier. Alors, un guitariste, mais aussi percussionniste italien, j'imagine, parce qu'il s'appelle Aldo Romano, qui a, pour jouer avec lui, Claude Barthélémy, Michel Portal, hein, qu'on connaît, et Jenny Clark. JF Jenny Clark. Voilà. C'est un disque de 79, enregistré à Paris. Voilà, ben je vous laisse écouter. We'll be right back. Yes. Aldo. Aldo Romano, ouais. Ouais, c'est un peu un disque bizarre. Hein. Oui. Il y a quatre musiciens, mais en fait, dans la plupart des morceaux, il n'y a que deux musiciens qui jouent, donc on suppose qu'il y a des, il y a du overdubs. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a une pochette d'assez bizarre. C'est assez impressionnant, la pochette, l'image là. Je sais pas si c'est ouais, impressionnant. Ouais. Alors on peut la décrire peut-être. Il y a donc Aldo Romano qui est, sur une banquette. Qui est sur une banquette dans devant dans une pièce. Il donc est en premier plan avec un avec deux boutons enlevés. On voit ses beaux poils, sa barbe. Ouais. À droite, à sa droite, il y a une belle table en bois avec un bouquet de fleurs. Ouais. Et dans l'arrière-plan, il y a une porte ouverte sur ce qu'on croit être une salle d'eau. Dans laquelle il y a une femme avec une robe blanche qui est assise. Voilà. Bon, bref, c'était toute une époque 79 jazz Paris. Voilà. Aldo Romano avec Michel Portal qu'on a pas entendu dans le morceau qu'on vient d'écouter. Claude Barthélémy et JF Jenny Clark. Voilà. Super morceau de Weather Report. Oui. J'adore Black Market. Ouais. Super clavier de Joe Zawinul. Joe Zawinul, je crois que moi je dirais qu'il est un des seuls Européens d'avoir fait quelque chose qui a vraiment changé l'histoire de jazz. Ah. Il y a beaucoup de très bonnes musiciennes européennes, mais comme Aldo Romano ou comme Klaus Doldinger qu'on va écouter tout à l'heure. Ouais. Mais ça n'a pas eu un effet sur le jazz aux États-Unis. Mais Joe Zawinul, il est venu et il a vraiment changé les choses. Il est anglais? Non, il est Zawinul, il est quoi? Il est tchèque ou oui. Il est d'un pays de l'Est, je sais pas lequel. D'accord. Il est tchèque. C'est pas Joe alors. C'est pas vraiment son prénom. Non, Joe, ça doit être. Okay. Joseph. Je sais pas. Ouais. It's a bold statement. Oui. Ok. Toi, tu dis ça en tant qu'Américain, ouais. Tu balais tout ce qui vient d'Europe, à part Joe Zawinul. Non, mais il y a beaucoup de. Moi, j'écoute beaucoup de. On peut baisser le son un peu. Moi, j'écoute beaucoup de jazz d'Europe, mais il y en a beaucoup qui. Il y a beaucoup qui n'a pas vraiment changé l'histoire de jazz aux États-Unis. Mais Joe Zawinul, c'est le seul qui est venu et vraiment. Il a eu un effet sur comment le jazz a développé aux États-Unis, je trouve. Et donc, si tu changes le jazz aux États-Unis, tu changes tout le jazz. Ben parce oui. que le jazz vient des États-Unis. C'est vrai. Je suis assez patriote pour dire ça. Ouais. Bon, je sais pas. Mais après, en même temps, jazz, j'écoute local. Beaucoup de jazz européen, c'est vrai. Michel Portal, tu connais? Oui, bien sûr. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Willet Barren, Barnum, bon bref, peu importe. Mais on va écouter maintenant. Le jazz allemand. Le jazz suédois, allemand. Tu aimes bien? Mais en fait, il y a Klaus, le jazz suédois, oui, il y a qui de. Orsted Pedersen, le bassiste. Ouais. Il est norvégien. Je confonds tous ces pays. Ouais. Ces petits pays. C'est tout la même chose. Ouais, voilà. C'est comme Connecticut, Delaware, Rhode Island, Mais là, on va écouter un disque d'un groupe qui s'appelle Passport. C'est un disque qui s'appelle Earthborn. C'est de 82. C'est le groupe du saxophoniste allemand Klaus Doldinger. Et là, il est avec Herman Weindorf en clavier, Kevin Mulligan, guitariste, Dieter Peter Heidt. Un américain. Oui. Ou un anglais. Kurt Kress on drums. Alors, c'est germano-américain, quoi. Ou anglais, mais, tu sais pas. Oui, peut-être. Pardon. Mais on va écouter un morceau qui s'appelle Abacus. Ça, c'est vraiment le jazz-rock fusion des années 80. Et c'est un peu différent. Il faut que tu appuies sur le bouton. Oui. Voilà. Hop. au sax déjà? C'est Klaus. Ah ouais. Le mec. Klaus Goldinger. C'était Herman Weindorf. Avec le super solo clavier. C'est le meilleur morceau du disque? Oui. Alors, j'avoue que le disque, c'est pas incroyable. À part ce morceau qui passe. Quoi. Ouais. Oh, mais très bien. Ouais, donc on disait, ça fait un peu yacht rock ou smooth jazz, ou je sais pas quoi, un truc comme ça, tu vois, un peu le. Oui, c'est difficile à différencier entre le jazz rock, jazz fusion, smooth jazz. Ouais. Ouais, c'est bien. Donc j'ai appris, c'est toi qui m'as appris qu'il y a des morceaux de Weather Report qui passaient sur le Weather Channel. Ouais, ouais. Ça m'a vraiment. J'imagine, ça m'a vraiment bluffé, quoi. C'est vraiment super. Quoi. Ouais. Il y a un super site qui s'appelle TWC Classics. TWC Classics. The Weather Channel. The Weather Channel Classics. Et c'est un peu c'est un archive de tous les morceaux qui ont passé sur le Weather Channel. Et tu peux télécharger en MP3? Non, tu peux écouter. Oui, mais c'est qu'un excerpt de d'une minute de 30 secondes qui a passé sur le Weather Channel. Tu connais ce site Brainwashed? Non, ça te dirait ça. Oui, c'était si. Quoi oui. Bah, je sais pas, il y avait un peu. C'était un site où il y avait des artistes qui avaient des bios dessus, un peu, je sais pas, tu pouvais télécharger des MP3, mais c'est comme ça que j'ai découvert Tortoise ou des groupes comme oui. ça. Brainwashed. Ben, j'y suis retourné, en fait, il n'y a plus d'archives, il n'y a plus rien. Ah oui. Voilà, c'est tout. Bon, bref. Bon, TWC Classic, c'est toujours c'est live. C'est toujours live, ouais. Donc là, on va faire un petit décalage. Parce que j'ai passé un morceau de Lafayette Afro Rock Band. Donc bon, là on est peut-être un peu plus éloigné du jazz. Je vais dire, mais bon, tu verras, on est quand même dedans. À mon sens. Et le morceau s'appelle Nike. Nike. Nike. Voilà. À tout de suite. Thank you. Nike, Nike. Bon, tu disais que l'Europe n'a pas fourni des musiciens qui ont changé l'histoire du jazz. D'accord, certes. Mais l'Europe est toujours maintenant est un bon moyen, un peu le porte-monnaie des musiciens jazz. Et un bon moyen de diffuser la musique jazz et de faire en sorte depuis que longtemps, depuis longtemps. Très longtemps. Donc c'est presque pratiquement son seul. Son seul rôle, de payer les artistes. D'apprécier la musique. D'apprécier la musique et de les faire enregistrer, de sortir des disques, etc. De diffuser. Ouais. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça que, je sais pas, c'est quoi, c'est pas Albert Heiler qui est resté très longtemps justement en Suède il a fait de nombreuses tournées en Suède, enregistré en Suède. Il y a des musiciens qui ont fait les... plein de temps en Europe. Ouais, juste pour jouer, tu vois, même les musiciens noise américains quand ils viennent en Europe, c'est pour put money in the bank. Oui, peut-être. Ouais, c'est vrai que oui, quand j'ai joué en Europe, j'étais beaucoup mieux traité ici que j'ai pas fait l'argent dans mes tournées, mais j'étais mieux traité ici qu'aux États-Unis. Eh ouais. Comme tous les maîtres de jazz. Comme tous les... Il reste 15 minutes, oui. 13 minutes. Bon, j'aimerais bien me passer un disque assez bizarre. C'est un groupe qui s'appelle Uzeb. Bézu, à l'envers. Uzeb. C'est un groupe de Montréal. Le disque, c'était enregistré en septembre 89. Ça, c'est vraiment dans la jazz électrique. C'est très électrique. Je crois que même la batterie est électronique. Je ne sais pas. Mais je vais passer un morceau qui s'appelle Perrier Citron. Et, rondelle ou sirop? C'est à demander à Uzeb. Mais j'ai trouvé ça aussi dans la comment on dit? L'insert. Ouais, la pochette intérieure. Alors c'était un disque de 89 et il y a un insert avec des dates de leur tournée européenne de 90. Et je vois qu'à Mars, Saint-Étienne, Marseille. Le 17 mars, ils ont joué à Grenoble. Et alors? Alors 17 mars 90. Si vous qui écoutez, si vous étiez là... Faut nous appeler, faut nous... à Paris, à quel jour ils ont joué à Paris? Peut-être que... Casino de Paris, 22, 23 et 24. Waouh. Ah, c'était hyper connu à l'époque. Ben oui, 3 jours à Casino de Paris, Grenoble, ils ont toutes les grandes villes. Mulhouse, il y a Mulhouse Non. Et Strasbourg. Strasbourg. Limoges, Poitiers, et même Morlaix. C'est une toute petite en Bretagne. En Bretagne, ouais. Metz, Laon. Laon, c'est pas grand non plus. Angoulême, Villejuif. Alors, ils ont joué pendant 4 mois en France. C'est... Bon. Génial. Ouais. Alors, on va écouter ça. Uzeb. Avec Perrier. La Roche-sur-Yon, les Ulis, Angoulême le 21. Oui. Villejuif le 22 mai. 12 mai, Annecy. 11 mai, Lyon. 9 mai, Avignon. 3 jours à Metz, 1, 2, 3 à Metz quand même. 7 avril, Rambouillet. Voilà, c'est incroyable. 1 et 2 mars à Toulouse, 3 mars à Montpellier, 5 mars à Saint-Étienne, 7 mars à Bron, le 7 à Clermont-Ferrand, le 8 à Montluçon, le 9 à Clamecy, le 10 Saint-Michel-sur-Orge. Allez, on écoute cette merveille. Un printemps mouvementé dans le monde de jazz français. Franco-montréalais. Ouais. À toutes. Thank you. Whatever you playing, it pairs well with the sky of Florence and Grenoble. Ouais. Uzeb. Ouais. Et on était en train d'écouter ça. Regarde le coucher de soleil magnifique sur le Vercors. C'est beau. Plaisir et d'essence. Ouais. Rose. Ouais. Voilà. Alors, Uzeb. Uzeb, merci. Quel groupe incroyable. Moi, j'aurais aimé être là le 17 mars 90 à Grenoble. À Grenoble. Mm. Ça a dû être. Tu peux les contacter et peut-être les faire venir. Peut-être, oui, c'est vrai. Je crois pas qu'ils vont jouer trois nuits au Casino de Paris, mais non. Non. Non, c'est sûr. Dans un concert clandestin. Ouais. Tu peux leur demander de faire un concert. Concert sur Zoom. Ah oui. Oui, oui, oui. Yes. Very well, then. L'émission touche à sa fin. Je pense que moi, je vais mettre un morceau et après toi aussi. Je vais un peu... Je vais mettre un morceau de musique du monde. À moitié. C'est vrai que je connais pas à fond ce morceau, mais on va mettre Carnavalito. Voilà. C'est la face 1, le morceau 2. Et puis on pourra le couper parce qu'il est assez long, 9 minutes. Attention. Et on mettra un autre. Voilà, j'ai mis une petite lampe. On dirait la pochette de l'album de Nightfly de Matt Fagan. Oui, c'est moi la Nightfly. Voilà. Yeah, on a conversation. Voilà. At the foot of Mount Vercors. Yes indeed, on écoute un peu ça et après on reprend la parole. We'll be right back. Yes. Allez, pour finir. Ah mince, attends, je coupe un peu le feedback. Voilà, donc Gâteau Barberi qui s'énerve. On coupe quand il s'énerve. Là, on met pour finir un morceau de Steve Kahn. Tu vois pas le. Non. Ah bon. Allez, merci pour tous. Merci, shout out to Ravi in Florence. Ça c'est Steve Kahn, 1979, avec le magnifique Steve Gadd, qui fait un petit solo là qu'on va écouter. Merci, à bientôt. Nico. De rien. À bientôt. Ciao.